Jeanne avait un petit air fripon. Mais pour les jolis yeux de Suzy, les jolis jolis yeux de Suzy, les garçons faisaient un marathon. Marie avait un teint de fleurs et Jeanne un sourire plein de douceur. Mais pour les jolis yeux de Suzy, les jolis jolis yeux de Suzy, tous les cœurs faisaient du sang à l'heure. Chaque soir quand elle sortait dans la rue apparaissait Lucien, Lucien, Julien, Julien et fils du pharmacien. Oh, ils arrivaient l'air nonchalant comme s'ils se trouvaient là simplement. Mais pour les jolis yeux de Suzy, les jolis jolis yeux de Suzy, ils attendaient des heures sous la pluie pour les si jolis jolis yeux de Suzy. Mais pour les jolis yeux de Suzy, les jolis jolis yeux de Suzy, les costauds n'étaient pas les plus beaux. Le fils aîné du pharmacien, ça c'est un fait, s'habillait très bien. Mais pour les jolis yeux de Suzy, les jolis jolis yeux de Suzy, tout cela vraiment ne comptait pas. Chaque soir quand elle sortait, rapidement elle le semait Lucien, Lucien, Julien, Julien et fils du pharmacien. Oh, de la rue, elle retrouvait son cousin Jojo qui l'attendait. Et dans les jolis yeux de Suzy, les jolis jolis yeux de Suzy, on lisait le grand amour de sa vie dans les si jolis jolis yeux de Suzy. Ce soir la salle est presque pleine, il fera ses chansons anciennes dans sa dégaine de tombeur. Le charme des années 50, devant des femmes qui s'éventent et quelques pâles projecteurs. Face au tumulte de la salle, de ceux qui arrivent et qui s'installent, ses rêves le transportent ailleurs. Y'a ceux qui boivent et qui s'en foutent, et pour les rares qui écoutent, il y a la voix du crooner. Il chante ses amours lointaines qui ne déroulent qu'un seul thème, les jours passés sont les meilleurs. Il a des œillades discrètes aux formes des femmes parfaites qui se pâment de chaleur. Elle tourne toujours dans sa tête la belle aux portes cigarettes qui est partie avec son cœur. Dans le désordre et le vacarme, tu n'entendras aucune larme dans la voix du crooner. Sur le cœur, y'a ceux qui boivent et qui s'en foutent, et pour les rares qui écoutent, il y a la voix du crooner. l'Italie et moi. Je ne vois que ça, rien que ça, rien que ça, et je m'imagine. Toi, l'Italie et moi, le soleil et toi, le ciel bleu, tes yeux bleus et les mandarines. Italie et moi, je nous vois déjà, toi et moi, dans le train qui là-bas nous emmène. Oh, dans tes yeux que j'aime, mille choses me disent qu'on est fait pour Venise. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Voici donc qui s'appelle Céline Dion avec Je lui dirai et puis Nana Mouskouri. qui communie le dimanche. À la messe de la vie, paradis de nos envies, l'âme en quête d'infini, on cueille la rose blanche. Si ça continue, je vais couper dans les points qui hiérarchisent tout le monde. Désir fou que rien ne cesse, cœur transi reste sourd au cri du marchand de glace. Dormez la muse qui passe, je le veuille de voir la place. Oh vertige de l'amour. On légionnaire à ton bouquin, et la pensée vient d'être peinte. Écoute, ça continue, je vais découper, suivant les points. Et toi qui es de l'amour, j'ai dû rêver trop fort. Ça me prend des jours fériés quand j'y éclate dehors. J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Voici donc Médac. Quand le soleil efface toutes les farandoles, on se voile la face derrière des banderoles. Quand le champignon pousse, nos enfants sont sans voix. Perdus dans la secousse, ils deviennent hors la loi. Les armes se vendent comme des petits pains. Nos enfants se demandent ce que leurs pères ont d'humain. Quand tout va pour le pire dans le meilleur des mondes, tous nos enfants soupirent, l'avenir est immonde. Se confondent au présent. Nos enfants doivent croire que c'est dans l'air du temps. Quand la folie des vents s'essouffle sur la terre, dans votre camp, les enfants lavent notre cratère. Quand notre écho regarde notre nombril incul, nos enfants sur leur garde se méfient des adultes. Quand tout va pour le pire dans le meilleur des mondes, tous les enfants se tirent, mendient et vagabondent. Les dégâts explosifs de nos chars, de nos bombes, nos enfants se rebiffent. Quand l'océan en sang se dresse contre nous, les enfants innocents sautent de nos genoux. Dans leur gomme cherchent des solutions. Quand les brutalités, les tueries se distinguent, nos enfants violentés nous prennent pour des dingues. Quand la mort est dans l'air, dévastant la nature, les enfants nucléaires voient de grands immatures. Quand leurs parents pas nets se meuvent dans la hargne, les enfants de la planète rêvent qu'on les épargne. Quand tout va pour le pire dans le meilleur des mondes, tous les enfants respirent nos âmes, nos herbes. Voici donc bien les émissions tout simplement à partir de pour ce soir, à partir de 19h jusqu'à 21h avec Christophe, avec l'émission Eric Choc. Et puis demain, donc eh bien à partir de soirée, voilà, à partir de 18h, eh bien vous allez retrouver tout simplement l'émission traditionnelle. Voici donc. Bonjour, je m'appelle Alain Pennec. C'est Christine Balfa avec le groupe Balfa Toujours. Bonjour, c'est Gabriel Yacou. Bonjour, je suis Jean-Paul Corbineau du groupe Triane. C'est Denis du groupe Mes Souliers Sont Rouges. Vous écoutez Traditionnel sur Radio Arc-en-Ciel Orléans. Sur Arc-en-Ciel, les musiques traditionnelles, c'est le mercredi de 18h à 19h30. C'est juste après, entre 19h30 jusqu'à 21h avec David, ça va le faire. Et puis juste après, 21h jusqu'à minuit, l'émission WIB. Dans mes états, dans mes états, dans mes états.

tout miel.

Et tes hommes et pieds, et tes voix la révèlent.

se eu tiver. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego. Ces millions de poèmes entre nous. C'est du déjà vu, je sais, mille fois rebattu, d'accord. On n'en peut plus de ces histoires. Pourtant, chacun d'entre nous s'est perdu. Mais passe les ans, le temps fut-il. Baby, les bals du samedi, des rock'n'roll banane, des reggae jalousie, voyage en minibus, hôtel de troisième zone, il a tout et même plus pour finir Rolling Stone. J'aime sa petite gueule d'amour, je le suis dans sa galère et je le suivrai toujours, mais je peux pas m'en défaire. J'ai caressé son jean, j'ai dormi sur sa guitare, chaque fois que je l'imagine, ça fait bizarre, bizarre. Jimmy D. Wadache, I love you baby, c'est comme qui dirait toute la province qui chante en anglais. De son blouson, sacrifié à la mode d'une musique sans concession. Je savais depuis longtemps qu'il quitterait mon billard. Et si Paris me le prend, c'est que c'est vraiment une star. Comme Jimmy D. Wallace, I love you baby, c'est comme qui dirait toute la province qui chante en anglais. Merci plus partant et puis juste après Guy Béard, où vais-je? On ne se connaissait pas, on s'est retrouvés quand? Toute d'une là-bas, du côté des Balkans. Par quelle étrange histoire tout ça a commencé? Je n'ai plus de mémoire, je n'ai plus de passé. Il m'a fallu t'attendre, il a fallu longtemps. De l'instant le plus tendre, plus fort des tourments. Je vais guetter les jours, les mois et le moment où tu diras bonjour, où tu diras maman. Darina, je sais comment dire je t'aime, jamais je ne l'ai dit autant. Darina, tout ce qui à toi m'enchaîne est tellement différent de non. Je sais qu'au fil du temps, je devrais m'adapter. Nous avons le temps de bien nous adopter. Je vais te voir grandir, je vais te voir courir. Je vais te voir tomber, je vais te voir pleurer. Darina, je sais comment dire je t'aime, mais jamais je ne l'ai dit autant. Darina, tout ce m'enchaîne est tellement différent maintenant. Je sais qu'un certain soir nous parlerons vraiment, nous marquerons l'histoire d'un nouveau sentiment. J'aurai le cœur serré, j'aurai les yeux qui brillent. Te voyant danser, je dirais, c'est ma fille. Darina, je sais comment dire je t'aime, et jamais je ne l'ai dit autant. Darina, tout ce qui à toi m'enchaîne est tellement différent maintenant. ne se connaissait pas, on s'est retrouvés quand toutes deux nées là-bas, du côté des Balkans. Dans mon enfance, déjà l'heure, ça ne sert à rien que tu pleures. Dans tes yeux couleur d'arc-en-ciel, il y a des larmes de sel. Couleur, vous êtes des larmes. Couleur, vous êtes des pleurs. Elle est en couleur, mon histoire. Il était blanc, elle était noire, la foule est grise, grise alors, il y aura peut-être un mort. Couleur, vous êtes des larmes, couleur, vous êtes des pleurs. Il lui a donné des cerises, et noire sa main les a prises, et rouge sa bouche a mordu. Il y a demain un pendu. Couleur, vous êtes des larmes. Couleur, vous êtes des pleurs. Voici des fleurs toutes bien faites, de la rose à la violette, le bouquet qu'il lui a offert était bleu, rouge, jaune et vert. Couleur, vous êtes des larmes. Couleur, vous êtes des pleurs. Ils ont couru jusqu'au rivage, ils riaient de tout leur visage. Ils se sont baignés dans la mer, il y aura des revolvers. La mer est bleue pour tout le monde, pour les peaux brunes, les peaux blondes. Quand l'homme s'y baigne en passant, il y a des gouttes de sang. Couleur, vous êtes des larmes. Couleur, vous êtes des pleurs. Ce sang qui coule jusqu'à terre, mon enfant, ferme tes paupières, pourvu que tu ne saches rien. Ce sang qui coule, c'est le tien. Couleur, vous êtes des larmes. Couleur, vous êtes des pleurs. Les larmes sont partout pareilles, sèche tes yeux qui s'en sommeillent. Dors mon enfant, ne pleure pas, tu ne sais pas encore pourquoi. Couleur, vous êtes des larmes. Couleur, vous êtes des pleurs. Forêt de Magnolia. les endors et brûlant les filles, passe à deux pas de mes dix doigts. Des musiciens de Casamance au marabout de Prétorien. C'est tout un peuple fou qui danse comme s'il allait mourir de joie. Afrique, adieu. Les étangs de Malawi, la nuit résonne comme un signal. C'est pour une fille de Nairobi qu'un tambour joue au Sénégal. Et de Saint-Louis à Yaoundé, des lacs salés au vieux Kenya. C'est tout un peuple qui va danser comme s'il allait mourir de joie. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. On avait un petit tour du côté des chansons portugaises avec un petit bonjour à Florian. Eu depois pedi mais uma.

notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Donc il y a pour le jeudi à partir de tout simplement tous les matins entre 7h-9h, vous allez retrouver Funky au réveil. Et puis donc pour le jeudi à partir de 9h jusqu'à 11h avec Amer Giro, l'émission Vase de Portugal. Et puis donc dans l'après-midi à partir de 14h jusqu'à 15h avec Fabien Association, donc c'est côté association, puis entre 15h et 17h, Punch en musique avec Chantal. Et puis dans la soirée, à partir de 17h jusqu'à 19h, avec Christine Portugal, nous corésien. Et puis pendant une heure, entre 19h et 20h, Louis et Jackie, Noche, Flamenca. Et puis à partir de 20h, 22h, voici donc l'émission de Pierre avec Pierre Rochaud. Vendredi matin à partir de 9h jusqu'à midi avec Ferrea Espaço de Musica. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Les gens qui cherchent la lumière en pleine nuit. Oui, donc c'est cette chanson que n'oubliez pas à partir du samedi 2 février 2019 à partir de 20h à la salle des fêtes de Saint-Privé. C'est même un, donc il y a le festival tout simplement du grand concert de chant de Johnny, président du jury avec Richie Hallyday, sosie officiel. Donc eh bien, hommage à Johnny à partir de samedi 2 février. Donc eh bien, pour tout renseignement, le 06 88 59 34 93. Et puis pour les réservations obligatoires avec le 3xw.appel45.org. Avec hommage à Johnny avec tout simplement les diverses, plusieurs choses différentes dans la soirée. Qui n'ont que l'illusion d'attendre un signe, et femmes qui pleurent leurs enfants, mais restent dignes. Toi, tu me rends plus fort chaque jour, sans Dieu ni loi. Et quand nos corps se font l'amour, je sais pourquoi. Vive

des femmes du monde. Celle que j'aime au fond de moi, c'est ma blonde. Après tout ce qu'on a vécu, après tout ce qu'on a connu, moi et ma blonde. Pour ces beaux moments d'amour que je vis à tous les jours avec ma blonde. Ces instants sont si précieux d'être ensemble tous les deux, moi et ma blonde. Oui, je l'aime plus que tout, car pour elle je suis fou de ma blonde. Quand elle me regarde dans les yeux, je suis toujours amoureux de ma blonde. J'aime ma blonde. J'aime ma blonde. Chaque seconde mon cœur grandit d'amour pour elle qui est ma vie, c'est ma blonde. De la voir à mes côtés et de me sentir aimé de ma blonde. Le plus beau petit air coquin quand elle se lève le matin, c'est ma blonde. Et son petit sourire en coin avec un geste de la main, telle est ma blonde. Oui, je l'aime plus que tout, car pour elle, je suis fou de ma blonde. Quand elle me regarde dans les yeux, je suis toujours amoureux de ma blonde. J'aime ma blonde. Oui, je l'aime plus que tout, car pour elle, je suis fou de ma blonde. Quand elle me regarde dans les yeux, je suis toujours amoureux de ma blonde. J'aime ma blonde. Oui, j'aime ma blonde. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Bon, voici donc quelques morceaux portugais. Thank you.

voudrais me poser comme un avion qui vient de loin, détaché de mon fil, pour ressentir que c'est fini, que tout va bien, que c'est facile. Loin des tempêtes, sauvé pour la fête, en ressenti un vrai matin sous mes paupières. Plusieurs années sont passées, allez, puis nos années lycées, notre

Il a les six bons numéros. Il est jure dur comme le fer. Et sa voix se perd dans l'écho. Et sa voix se perd dans l'écho. Et sa voix se perd dans l'écho. Sa voix se perd dans l'écho. Tuer quelqu'un et c'était complètement prémédité. Tu vas bientôt fermer ta gueule. We'll be right back.